À l'occasion du 80e anniversaire de la victoire dans la bataille de Botsombo, commandée par le président Kim Il-sung, le pèlerinage des permanents de l'Union des femmes dans les anciens champs de bataille révolutionnaires du district du Mombektu a eu lieu du 1er au 6 juin. Elles ont tout d'abord déposé les bouquets et tiges de fleurs devant la statue en bronze du président Kim Il-sung érigée en monument à la victoire de Botsombo avant de rendre hommage. Pendant la période du pèlerinage, elles ont organisé diverses activités politico-culturelles comme le concours de propagande et d'animation tout comme au temps de guerre et l'exposé des souvenirs des guerriers anti-japonais.